L'art d'émotion à Venise par Paul Flatt. Rien n'égale l'intérêt des transformations que le temps impose à notre sensibilité et par où se trouvent modifiés les jugements que nous avions toute raison de croire le mieux établis. Véritable volte-face du goût, puisqu'il nous faut abjurer des croyances autrefois chères, elles sauront en certains cas revêtir un sens profond. Il ne suffit donc pas de les avoir constatées, c'est du point de vue psychologique qu'il les faut examiner. Ainsi nous deviennent-elles le plus lumineux commentaire de notre âme, ces œuvres d'art aimées avec le meilleur de nous-mêmes, et pareillement elles nous permettent de vérifier encore combien vaste il nous apparaît, illimité, disions-nous déjà, le champ des découvertes où notre sensibilité s'exerce. Il est encore bien proche de nous, le temps où ces vérités n'étaient seulement pas soupçonnées, où l'on ne concevait même pas quel apport de délicate culture devait être à des cerveaux impressionnables l'étude de ces confidences intimes que nous sont l'étoile des maîtres. Époque d'éducation sèche et littérale, dénuée d'enthousiasme et d'amour, qui déjà froissait nos âmes d'adolescence s'éveillant à la vie et dont le souvenir aujourd'hui encore nous écœure à la façon d'un mauvais rêve. Rendons grâce aux penseurs, aux esprits libres, clairvoyants, qui osèrent dénoncer ces routinières méthodes. Elle me revenait à la mémoire, ces idées riches d'aperçus nouveaux, dans la ville où pour la première fois j'en ressentis l'émotionnante valeur, étudiant à peine échappé du collège, et qui repoussait alors loin de moi, avec quelle allégresse, le lourd bagage de notions mornes que m'avaient imposé des éducateurs par trop insuffisants. Venise, chère ville de mes premières émotions et patrie élue de ma sensibilité, serait-ce point une ingratitude suprême que manquait à célébrer la reconnaissance qui t'est due? N'est-ce pas toi, glorieuse et fière cité, qui m'enseignant la vie par l'art, m'éveilla la conscience de moi-même, et comme des plis d'un voile brusquement entr'ouvert, fit surgir à mes yeux la beauté? Toi encore, éducatrice en défaillance, dont les leçons m'apprirent que par-delà les préceptes morts des pédants, la vie propose de toutes parts à notre culte sa grâce éternellement jeune et changeante. Ah, sentir pour la première fois ces choses et avoir 20 ans, voilà de quoi justifier les exaltations les plus folles, voluptés trop brèves, hélas, et qui ne reviendront plus. À 20 ans, le jeune homme est avide de jouissance, et c'est de discernement qu'il manque le plus. Qui songerait à lui tenir rigueur? La seule chose capitale est qu'il sente en lui cette puissance d'enthousiasme d'où sortira son rêve de vie. Dût-elle brouiller quelquefois ses regards, il faut qu'elle soit. Tel est le point important. Donc, à cet âge, s'abandonner au fil de l'eau, interroger le mystérieux lacis des ruelles et des canaux, surtout se griser à cette extraordinaire, à cette enivrante coupe de lumière qu'est l'entrée de Venise au déclin du jour, ce sont là de suffisantes voluptés. Tout entier et si complètement sont absorbés les sens que l'âme n'imagine rien au-delà. La magnificence de cette vie décorative ne laisse subsister aucun autre besoin. Joignez-y que l'art ici devient le perpétuel et triomphant complice de la vie. Ces deux puissances associées lui présentent le monde comme un décor féerique paré des plus étonnantes couleurs. Comment y résister? L'entraînement est trop fort, et quel malheur s'il allait trouver en lui quelque raison de ne s'y point glisser. Sacrifice bien inutile, abandon gratuit d'un élément de culture dont un spectacle de la vie ne lui rendrait l'équivalent. Il faut avoir senti de la sorte à 20 ans, fût-ce que pour mieux goûter à 30 la valeur du point de vue contraire, car c'est alors de toute la supériorité du contraste que bénéficiera cette réforme de notre sensibilité. Aux émotions de la 20e année, la somptuosité des palais vénitiens offre une matière incomparable, et je sais des yeux pour qui cette attirance marque à l'heure décisive où se dessine toute une vie. Où trouverait-elle un aliment plus précieux, ces ardeurs sensuelles, si impérieuses à cet âge, quand la volupté des déesses de l'anticollège, corps rondoyant baigné d'ondes lumineuses, et que Tintoret para d'une grâce fluide. Triomphe de la beauté facile, abandonnée, heureuse de vivre, de développer une existence en harmonie avec le milieu qui la créa. Plus loin, c'est Véronèse, toujours fière et altier, célébrant les victoires de la République en ces plafonds fameux où les plus arrogantes patriciennes symbolisent le rayonnement de la cité sur le monde d'alors. Et ce sont là maîtres souverains, qu'il est impossible de méconnaître, à quelque période de développement que l'on soit parvenu. Même s'il n'est pas jusqu'à ce fade Tiepolo, de lumière si tapageuse et de si provocante attitude, qui, dans le décor de cette nature, vive en commentaire, n'est prise immédiate sur des sens aussi neufs. J'en revenais aux mêmes œuvres quelques années plus tard, anxieux de les interroger encore. Porté vers elles, par une ardeur assez voisine de celle que l'on éprouve pour une créature chère qui longtemps fut éloignée de nous, je me remémorais complaisamment le délice des initiations premières. Grave imprudence, car s'il est déjà rare qu'une sensation puisse renaître identique, un bonheur moins fréquent encore est que tel plaisir escompté de longue date réponde exactement à l'idée que par avance nous nous en étions proposés. Ce sont là jeux habituels de notre imagination. J'avais déjà connu ce genre de désenchantement, mais jamais à ce point. Ma surprise fut extrême de me trouver impressionné tout à l'encontre de mon attente. Toujours aux mêmes places, les peintures qui tant m'avaient touché et que rehaussaient une pareille lumière. Mais combien je me sentais différent. Enchâssés dans leur cadre, les déesses de l'antique collège offraient à mon admiration leur nudité éternellement ondoyante et souple. Et voici cependant qu'elles se montraient inhabiles à réagir comme autrefois sur mes sens, modifiées par cet intervalle de quelques années. Au plafond, toujours éblouissante en sa simarre de soie, trônait l'altière patricienne en qui la tradition veut que s'incarne la splendeur même de la patrie. Mais de la belle Venise, de la cité chère à notre âme pourtant et de si complexes raisons, il nous sembla bien cette fois qu'elle nous rendait une insuffisante image, trop apprêtée, trop froide, et répondant mal aux émotions que cette ville incomparable soulevait toujours en nous. Était-ce donc qu'elle nous devint indifférente, cette beauté décorative et tout extérieure, qui sur nous avait exercé sa prise immédiate, au temps déjà lointain de nos premières démarches? Indifférente, voilà qui est trop dire, mais insuffisante à coup sûr, pour nous remplir tout entier. Restait à pousser l'expérience jusqu'à ses limites extrêmes pour être édifié pleinement. Et n'entendez pas par là que je prétendisse m'adresser au peintre de décadence formelle, comme ce Tiepolo du Palais Labia, dont l'affectation désormais m'était insupportable. Je voulais m'en tenir au maître de la grande époque. Quel tour de force, par exemple, ce paradis gigantesque du Tintoret, accumulant ses 1200 figures en une même œuvre. Mais le moyen d'y voir autre chose qu'une volonté tendue vers ce but unique, un prodige de réalisation décorative d'où nécessairement se trouvera bannie toute espèce de vie intérieure et d'émotion profonde. Et lorsque mes yeux s'arrêtent ensuite au jugement dernier de Palma, d'une importance matérielle à peu près égale. Si ravis soit-il par la rare perfection de certains morceaux, ils ne peuvent méconnaître l'insincérité criante d'une œuvre dans laquelle l'artiste, ayant à représenter une des scènes les plus dramatiques que l'imagination se puisse proposer, concentre tout son effort sur des réalisations charnelles et voluptueuses. Il fallait à mon esprit la décisive illumination du contraste, et le palais ducal me l'allait offrir, avec une œuvre de ce maître incomparable et trop peu connu chez nous, Giovanni Bellini. Quelques personnes ont vu son portrait par lui-même à la galerie des Offices, d'ailleurs assez différent comme expression de ce que l'on pourrait attendre. Une mauvaise tête avec des yeux bleus et froids, d'une froideur qui vous glace et qui dissimule mal l'intensité de la passion. Car c'était bien un passionné, une âme d'énergie douloureuse étendue vers les émotions violentes, le peintre de cette déposition, si audacieusement réaliste, que l'on voit dans une des petites salles du palais. Après tant de peintures artificielles, il est utile autant qu'édifiant de se réchauffer au contact de cette inspiration si ardente et sincère. Les spécialistes me confirmèrent dans une supposition que j'avais faite dès l'abord, en établissant la parenté de ce style avec celui de Mantegna, résultant de rapports certifiés par les biographes. Mais ceci est bien secondaire, et mon esprit s'attache ailleurs, à l'état d'âme que traduit une semblable peinture. Plis contractés de lèvres humaines, contractés jusqu'au rictus le plus tragique, vous êtes toute l'expressive et poignante grandeur de cette figure de mère ravagée par la douleur, et jamais sans doute il ne vous fut donné d'atteindre un degré de sublime aussi poignant, jamais, sinon dans quelqu'une de ces peintures de l'école allemande, où rien ne fait beauté en dehors de l'expression, car c'est elle seule que pour les tendances intimes, on vous peut rapprocher. Voilà pour éclairer aussi d'une lumière merveilleuse les causes profondes de cette altération de notre sensibilité, une telle œuvre précisant avec la plus complète évidence la distance qui sépare l'art d'expression de la peinture proprement décorative. Entendez que le premier traduira les besoins d'âme les plus intimes de l'artiste libre de toute entrave, tandis que l'autre, nécessairement, devra se subordonner à d'impérieuses contraintes. Encore n'est-ce là qu'une insuffisante définition, bien éloignée de répondre entièrement à notre idée. Rien ne vaut les exemples. Avec l'expression de ces traits tendus jusqu'à la plus effroyable souffrance, et si dépourvue soit-elle de beauté, au sens banal où l'on entend ce mot, la mère de Jean Belin nous a remués jusqu'aux entrailles. Mieux encore, elle eut ce pouvoir d'orienter nos facultés d'émotion dans la voie nouvelle, probablement décisive, où l'avenir les maintiendra. Et voici qu'au contraire, les magnificences décoratives des palais furent inhabiles à nous retenir, ou du moins n'eurent d'autre prise sur notre âme que celle d'un spectacle facile, dont la grâce ne serait point exempte de monotonie. Est-il contraste plus édifiant, et pouvons-nous conserver quelques doutes sur la nature de nos exigences? La sincérité toujours vivace, l'ardeur intense du tableau de Jean Belin, rencontrerons-nous le plus vibrant écho, prolongeant ses résonances au travers de notre sensibilité, tandis qu'elle demeura rebelle aux élégances trop souvent convenues qui tout d'abord l'avaient séduite. Ah, ne nous parlez plus maintenant d'œuvres qui restent sans prise sur notre vie sentimentale, ni d'un art, quel qu'il soit, où ne se reflète l'intensité de nos émotions intimes. Maintenant, à notre pensée s'impose comme un saisissant contraste, comme la plus édifiante des antithèses, une double série parallèle, celle des murailles des palais, éclairée par la radieuse lumière des midis éclatants, et celle des petits tableaux d'hôtel, Bellini, Cima, Vivarini, et tel autre, dissimulés dans la mystérieuse pénombre des chapelles. La première correspond à ce que nous appelions du nom d'art décoratif. La seconde se réfère à l'art d'expression émotionnelle. À la faveur de cette antithèse, il paraît bien que nous allons pouvoir dégager la raison majeure de notre actuelle décadence, de l'infériorité trop évidente où végètent nos productions modernes comparées à celles de ces époques fortunées. Ne semble-t-il pas en effet que si des progrès de facture et d'habileté technique ont pu se réaliser, en revanche, et dès ses premiers efforts, l'artiste primitif est atteint au plus haut degré d'émotion esthétique puisqu'en ses toiles des premiers maîtres éclate la divine énergie d'âme que nous sommes impuissants à recréer. Il se comprend que l'âge moderne éprouve quelques froissements en présence d'un démenti si catégorique donné à ses plus chers orgueils, démenti qui porte atteinte à nos ambitions de perfectionnement continu et d'évolution progressive. Pourtant, il n'y a pas à y contredire. Les œuvres sont là, témoignage irrécusable, non pas pour la seule peinture, mais pour l'art tout entier. Fallait-il pas qu'il fût pénétré de ses idées, au point qu'elle vint s'imposer avec l'énergie d'une croyance, le cerveau supérieur et hautain qui, mu par l'ambition et sentant en lui la force de renouveler le génie musical moderne, proclama en tête de son credo le retour au mythe, c'est-à-dire à la vieille et primitive formule suivant laquelle l'humanité balbutia tout d'abord ses joies et ses tristesses. Seul, il lui paraissait capable de vivifier en nous la force créatrice, puisqu'en lui seul se trouvent inscrites les données sentimentales supérieures que notre habileté, si intelligente soit-elle, ne saurait égaler non plus que reproduire. Une telle idée, si profondément germanique, ne pouvait nous venir d'autre région que de celle où l'élément décoratif de l'art pictural toujours se suborna à la poussée d'émotions qui fit sa grandeur et sa beauté. Ne nous reporte-t-elle pas aussi bien à ces liens d'enseignement que nous marquions plus haut entre Mantegna et Bellini, entre les vieux maîtres allemands et les premiers peintres d'Italie? Sur tous, à vrai dire, et d'un bout à l'autre de l'Europe, un même souffle passait en ce printemps de la production esthétique. L'inspiration vivifiante que par un effort d'extraordinaire génie, Richard Wagner se retrouvait dans le mythe, eux la puisaient sans effort à cette source toujours fraîche de croyances où baignaient leurs âmes naïves et qui leur fournissait une matière si riche en nuances de sensibilité. Douleur humaine poussée jusqu'à son paroxysme et divinisée, amour maternel exalté d'orgueil par l'éblouissant nouveau-né qu'adorent les rois mages, puis torturé par la vue du supplicié. Émotion à la fois surhumaine et quotidienne, où vous trouvez traduite, en symbole plus expressif, et plus poignant quand cette religion chrétienne qui les hantait dès le berceau, comme il serait vain aussi, pour qui n'aurait plus la même foi, de tenter pareil effort. Il leur était donné d'exprimer tout leur être et le meilleur de leur âme chaque fois qu'ils retraçaient sur la toile quelqu'une de ces légendes si souvent peintes, sans que jamais à la vue de ces multiples chefs-d'œuvre s'éveillât la plus lointaine impression de fatigue ou de monotonie. Mais comme au contraire elle nous obsède, cette impression, en cette série de peintures, dont pas une ne traite un même sujet, ou toutes se reportent à tel événement défini et qui sont le triomphe de l'art décoratif vénitien. C'est qu'elle est singulière et lourde, c'est qu'elle doit condamner pour son étroitesse et sa brutalité une théorie d'art trop longtemps admise, l'erreur de qui s'imagine atteindre en dehors de lui la nature et la beauté. Non, ce n'est pas au dehors, dans la sensation transitoire, dans le spectacle qui a commencé et qui va finir, dans telle somptuosité éphémère, c'est au plus profond de son âme, dans l'intime sursaut de l'émotion sentimentale fusionnant avec l'éternelle émotion humaine, c'est là seulement que réside le secret de la vie. Ainsi s'achève L'art d'émotion à Venise par Paul Flatt.